voulu être artiste. Docteur baveux, voire ministre. Tout gosse, tout est possible. Plus tard, je comprends que tout se négocie. Des paradis, distance pour le paradis, t'en es qu'un sursis. Life term, avenir Freddy noir, en ponctué d'étoiles rares. Comme un bled sans garde, c'est cache mot. Les plans de tâches sont les aléas. In view, 666, planerait, c'est classique, c'est que magique. Non, mon rap ne pensera pas les plaies de ce monde. Moi, je parcours ma vie, morale en dents de scie. La tête haute et froide, je garde l'espoir minime de voir autre chose. Mais le temps avance, je ne bouge pas et rêve toujours de gloire. En me disant que si Dieu veut, un jour tout ira mieux. J'aurais voulu faire tant de choses, mais mes pas perdent mes doigts crispes. Train de vie, ni tout rose, ni trop gris, je persiste. Vouloir être heureux, on dit que ce monde est triste. Obligé d'être un homme entre autant de putes. Tant de choses, mais mes pas perdent mes doigts crispes. Train de vie, ni tout rose, ni trop gris, je persiste. Vouloir être heureux, on dit que ce monde est triste. Obligé d'être un homme, donc je lutte. Des claques, des claques, des claques. Des claques, des claques, des claques.